Donch avec son Kalachnikov de Bosnie. Street lourd, all star, quoi de neuf. Pour les miens je prie et pour les miens je brille. Oui. Basta R avec le don c'est AL. Ouais, écoute, ouais. J'ouvre ma gueule maintenant que j'ai plus de muselière. J'te jure qu'on m'entendra au-delà de ce fuseau horaire. J'ai la haine maintenant que j'ai sorti ma tête de l'égout. J'viens casser les coups et mettre tous les cadavres dans les trous. Si tu viens chasser les loups, faudra que tu laisses ta peau. Baise-moi et j't'encule comme Le Pen et toute sa Gestapo. C'est quoi ce rap de PD? C'est quoi cette mascara? Tu une pute, moi, si mon rap est Macchio mascara. Hardcore parce que j'suis né à 5 jours de tonnerre. J'suis tout le temps fâché et j'pense qu'à briser les molaires. Les temps sont durs et sous mon impère, toujours une cagoule. On sait jamais s'il y a danger comme dans les rues de Kaboul. J'suis à Lyon. Solide, et les hyènes m'ont déjà mordu. Je viens dresser le rap car son cadre est un peu tordu. Vas-y, écarte-toi des réacteurs, je décolle ma fusée. Ton chat, un renard qui est trop rusé. Street lourd, haineux comme un corse, viens graver les corses. La bombe ou la mort pour faire exploser vos casques. Street lourd, on va rentrer en force, défoncer vos torses. Maintenant ça va se corser, on vient poser nos bases. Street lourd, haineux comme un corse, viens graver les corses. La bombe ou la mort pour faire exploser vos casques. Street lourd, on va rentrer en force, défoncer vos torses. Maintenant ça va se corser, on vient poser nos bases. J'rappe pour tous les enculés et pour les salauds. Pour les quartiers dans lesquels gun et cadavres finissent salauds. J'avançais pas, ils avaient mis trop de plomb dans mes sabots. Depuis je pense qu'à faire mal, ils m'ont tous rendu sado. Dans tous mes songes, avec des fantômes et des zombies. Personne peut changer ça, même pas les marabouts de Zambie. J'ai frotté des cailloux pour un peu de lumière dans ma grotte. J'ai remis ma tunique et rechaussé mes bottes. C'est avec les étalons de mon attelage que je remonte la pente. Au fur et à mesure dans les camps, je viens brûler les tentes. Le D.O.N, c'est par mon caractère que j'existe. On m'a torpillé, mais jusqu'ici le sous-marin résiste. Pour faire tout tes sauts, j'ai les missiles dans le vaisseau. La rage depuis le berceau et l'envie de casser des os. Écoute, fais gaffe quand j'arrive dans ton sillage. Tu reconnaîtras mes bottes par le brillant de son tirage. Street lourd, haineux comme un corse, viens graver les corses. La bombe ou la mort pour faire exploser vos casques. Street lourd, on va rentrer en force, défoncer vos torses. Maintenant ça va se corser, on vient poser nos bases. Street lourd, haineux comme un corse, viens graver les corses. La bombe ou la mort pour faire exploser vos casques. Street lourd, on va rentrer en force, défoncer vos torses. Maintenant ça va se corser, on vient poser nos bases. Street lourd. C-A-L-B-O, le blast d'une écho. J'viens pas trop zéco, juste faire la déco. On économise trop de haine après leurs échos. Bah tiens, prends ça, vient de la tri du lourd négro. Donc tiens. Oui. Pour les miens j'vis et pour les miens j'prie. Oui, on espère tous le paradis. C'est lourd.